Je remets 17, 14. Oh, yes. Je vais vous laisser un peu de sous socialité. Je vais aller. Jean 3, 3. Zabe, zabe, akanda chitamu kukuzi. ezala kindengo lona yo papa le misanga Kala sambo mapala nyoso lomingo batei bakote ya kaka makambo to sito yoka pona nini ndeko tobongola mitema te toya kala sambo mokolo nyoso lomingo batei bakote ya kaka makambo to sito yoka pona nini ndeko Ubongola mitemate, mitemate. Kolo nangai, kolo nasaki boli misi. Mabena sali, nanyakoli misangai. Yango ngalandi meli onzame, zame na bobo zame asolo. Papa, eh.